Haïti, à la belle ou belle, Haïti, c'est parti, pour moi t'as parti un jour, pour ta vraie valeur, pour ta vraie richesse ou gagner. Haïti, mon bon boy, Haïti, moi pas que droit oublier ou, belle femme créole moi, pas tourner dans pierre ou, Haïti, Haïti, j'ai belle femme créole moi, m'a tourné dans pied ou Haïti chéri moi, yon jour m'a retourné. Un pile belle monde. Haïti, ouais, pas qu'il doit venir. Belle femme créole, moi, pas qu'on est dans pierre.